Regardez, j'ai une arme. Jamais meilleure épée n'appuya sur la cuisse d'un soldat. J'ai vu le jour où, avec ce faible bras et cette bonne lame, je me suis fait un chemin, à travers des obstacles, 20 fois plus puissants que votre résistance. Mais, aux vaines forfanteries, qui peut maîtriser sa destinée? Il n'en est plus ainsi à présent. Ne vous effrayez pas, même en me voyant armé. Voici le terme de mon voyage. En voici le but. Voici le point de repère de ma voile épuisée. Vous reculez d'effroi? Crainte superflue. Menacez seulement d'un roseau la poitrine d'Othello, il reculera. Où donc irait Othello? Contemplant Desdémone. Ah, quelle mine tu as maintenant, fille de mauvaise étoile, pâle comme ta chemise. Quand nous nous rencontrerons au jour du jugement, ton apparition précipitera mon âme du ciel et les démons l'attraperont. Froide, froide, ma fille, froide comme ta chasteté. Oh, maudit, maudit scélérat, fouettez-moi, démon, loin des jouissants de cette vision céleste, soufflez-moi dans vos ouragans, rôtissez-moi dans le soufre, lavez-moi au torrent profond de la flamme liquide. Oh, Desdémone, Desdémone, morte, morte, oh, oh, oh. Entre Ludovico, le gouverneur, et Cassio, porté sur un brancard, puis des officiers, conduisant sous escorte Iago, prisonnier.